Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org. Je m'appelle Olga Kokcharova. Dans quelques jours, je vais diffuser une pièce pour haut-parleur sur un système mixte, un bisonique augmenté d'un acousmonium, au Festival Archipel. Cette pièce s'appelle Sculpter la voûte. C'est une composition électroacoustique qui est faite à partir de en grande partie des prises de son. Au fur et à mesure que j'étais en train de développer mon projet, j'ai gagné une résidence au ICST, Institute for Computer Music and Sound Technology, à l'école d'art de Zurich, au DHDK, où justement ils ont un studio en bisonique. C'est un dôme de haut-parleurs, donc il y a des haut-parleurs à plusieurs étages. Voilà, c'est un outil assez complexe qui permet de travailler la question de d'espace dans le son. Et moi, donc, ça fait un moment déjà que je travaille la musique dans l'espace. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et ce qui était intéressant, en tout cas ce que les gens de ICST m'ont expliqué, c'est qu'à la base, ce système, il a été conçu pour pouvoir reproduire des prises de son naturalistes. Et pas du tout pas forcément pour travailler le son en mouvement et des choses comme ça qui se font beaucoup aujourd'hui sur l'ambisonique. Voilà, sans exactement savoir ce que ça allait donner avec mes prises de son, je me suis dit que j'avais envie d'essayer de travailler cette composition sur cet outil-là. Too much pronounced, or what do you say? Too much white. A little bit less, so it's because I like the bass, the physic of the bass, but not to hear that it is a subwoofer. Just a little bit. Yeah, but yeah. Now I'm not able to say anymore. No, because what is right and what is wrong. Yeah, but later check. Olga, I think you need what you need is the range, and then you have to work that really with. Hello, I'm Johannes Schütt from the ICST. This is the Center for Computer Music and Institute for Computer Music and Sound Technology at the ZHDK in Zurich, and I'm responsible for artists in residence, and I worked with Olga and also with Cathy Lane, because my specialty is working in ambisonic 3D audio, and in our studio we have this fantastic setup with the speakers on top and around us, and so it's ideal to create content in 3D audio. Ambisonic is old technique, really, it starts in 1972 in England, and it was a problem with the patent of this system. It was in Oxford, so it never becomes a standard until now. The patent is over, and now everybody works with ambisonics because it's a technique ideal to create easily, I would say, more easily than other techniques, 3D audio. It's just started with a recording system that you have a microphone that record the audio scene or the, from every direction. And then with a little bit of math, you can that decode and play with a lot of speakers, minimum 4 in 2-dimensional, 8 when you have a Cubus, so then you have a 3D. You can play that in the same way. The good thing of ambisonic is also that it's really a friendly system that you are able today to convert that in nearly mostly other formats like binaural for headphones, like Dolby Surround, like even stereo. And that's the beauty of ambisonic. Sound where you don't care about loudspeakers, yes. Where they disappear completely, and here it's even better than in the studio. Absolutely, because when you have a large room, the sweet spot is also bigger. You know, yeah. Important is that the public has the same distance of each speaker, so you sit not near to the speakers, then you are. But in a concert hall, it's the same. Yeah. The ICST made every year a call for artists in residence in studio, for ambisonic especially. And Olga was one of the selection. We find her project interesting, and she comes to the ICST for 3 weeks and worked in the studio day and night. And I was just on her side when she needed my help or my feedback or reflections or discussions and so. And it's a nice result. It's a nice contact, and I'm looking forward to hear that in this wonderful hall with this setting tomorrow, I think, in the evening. Je suis Louis Naon, compositeur de musique électroacoustique et musique instrumentale depuis une quarantaine d'années. La pièce qu'on va répéter est un quatuor à cordes avec électronique. Donc une électronique qui se veut assez complète et complexe parce qu'elle a des fichiers sons qui sont préparés, qui ont été travaillés et développés dans un système déjà ambisonique. Et puis une partie du quatuor à cordes qui va être captée par les microphones et va être diffusée et traitée en temps réel aussi dans le système ambisonique. par des traitements faits sur le moment. C'est un vieux projet que j'ai, qui est né de la collaboration avec l'ICST de Zurich, de faire une pièce dans les studios qui, depuis longtemps, développent le système ambisonique et des plugins pour vraiment travailler sur ce système-là, qui est un système complet de multidiffusion et de dôme autour de l'auditeur. Qui est une audition à 360 degrés et en hauteur et aussi en profondeur, je dirais. Donc ça m'avait toujours séduit. Puis on s'est mis d'accord avec la direction de l'ICST pour faire une œuvre plutôt pour quatuor à cordes et électronique, qui était une chose que je voulais faire depuis longtemps. Et donc ça s'est mis en place comme ça petit à petit, il y a quand même assez longtemps, plutôt 4-5 ans. Donc l'œuvre voit le jour aujourd'hui sur cette forme ambisonique, mais ça a été un long travail de préparation parce qu'il y a l'ICST de Zurich, le Quatuor d'Ottima, l'IRCAM, donc l'Institut de recherche à Paris, qui est aussi impliqué dans le projet. J'ai eu un temps de recherche il y a longtemps aussi à l'ICST. Donc j'ai travaillé sur le système dans ce même studio où Olga travaillait. Mais je l'ai fait dans une période plus lointaine, en décembre 2019, en 2018 et en 2019. Et ensuite j'ai continué le travail à l'IRCAM et j'ai fait des écoutes dans plusieurs différents studios, dans différents systèmes ambisoniques, avec des différents haut-parleurs, avec différents emplacements de haut-parleurs, etc. La différence entre Acousmonium et l'ambisonique est de la nature des haut-parleurs, la nature de l'espace qui est proposé. Dans un Acousmonium, on projette des sons, on a une interprétation de l'espace, en fait, plutôt. Et donc, on adapte, dans le moment du concert, quelles sont les choses qu'on va mettre en valeur dans différents lieux de l'espace. Ce même travail qui se fait au moment de l'interprétation, il est possible de le faire d'une autre manière, avec le système ambisonique, qui est un système beaucoup plus égal des haut-parleurs. La distance des haut-parleurs et la qualité des haut-parleurs est assez égale. Ils sont distribués dans l'espace pour combler tout le cercle, en fait, toute la sphère de l'écoute, et pour proposer des localisations dans l'espace qui sont très très fidèles et très fiables. Donc ça permet autant des images sonores assez réalistes finalement, qui rappellent des paysages sonores, et qui peuvent être d'une très très grande beauté et d'un grand naturel, alors qu'un acousmonium, il a plutôt tendance à avoir plus de caractère dans la localisation de l'espace et la localisation du son. Donc moi qui viens plutôt du monde de l'électroacoustique plus traditionnelle, celle des acousmoniums, ça m'intéressait beaucoup de voir comment je pouvais faire cohabiter ces deux mondes-là dans un espace ambisonique. Donc il y a un peu les deux dans ce quatuor. Un espace très très large qui rappelle un peu l'immensité, la solitude, la mer, des grands espaces un peu vides. Et puis d'autres espaces très fulgurants qui sont plutôt acousmatiques et qui pourraient rappeler de l'écoute de l'acousmonium.